Et le 3 avril, ça se passera du côté de l'école secondaire Saint-Frère-André et l'école secondaire Toronto-Ouest de Toronto. Et les trois marraines, comme je vous dis, Cindy Douard, Marie-Claude et aussi Joanne Mora. Donc voilà, édition spéciale cette année, la tournée Quand ça nous chante, édition 2019. On va poursuivre avec notre bloc instrumental, si vous voulez bien, un bloc assez éclectique. On va commencer ça avec Brasse Camarade et L'Urotisme. Une pièce que j'adore énormément. C'est vraiment cool. J'aime la guitare là-dedans. C'est très intéressant. Par la suite, on va entendre Télécolor de Sudbury avec la pièce 4. Télécolor, un jeune groupe assez intéressant. Merci. Et on va terminer ça avec un beau souvenir de l'artiste Akido de Montréal qui, lui, va nous proposer Reaction Shot.